cette séance de séminaire pour laisser la parole à Paola Bismar sur le thème de la doctrine. Merci Paola. Merci. Je vais développer mon discours sur un plan bien plus modeste que celui du collègue et dans une langue qui malheureusement ne ressemble que de très loin à celle de Bossuet ou tout simplement à un bon français. Le sujet est très intéressant. Est très intéressant au plan des questions théoriques mais aussi sur le plan de questions, comme on l'a vu, historiques d'interprétation. Très intéressant, d'autant plus du fait que, maintes fois, l'historiographie a séparé l'histoire des pratiques, parfois même opposé l'histoire des pratiques et l'histoire des idées, avec une tendance à déprécier cette dernière. Mais les pratiques ont, pour l'historien, un caractère d'incompréhensibilité si elles sont considérées d'un point de vue quantitatif ou descriptif, sans rapport avec les principes de doctrine et avec les normes. D'autre côté, la doctrine et les normes se révèlent à leur tour plus compréhensibles à la lumière des pratiques, pratiques qui en découlent ou qui les moulent sur leur propre modèle. On va considérer quelques exemples, donc quelque chose d'un peu banal, mais j'espère utile, pour comprendre l'articulation entre doctrine, normes et pratiques au cours de l'époque moderne, notamment du 17e, 18e siècle. Sous plusieurs aspects, on peut considérer cette période telle la période du primat de la pratique, quasiment de son triomphe. Les catéchismes aussi manifestent ce processus. Le catéchisme de Trente traitait la foi, les sacrements, la morale. Je dis de Trente, catéchisme ou chaque part, etc. La morale découle donc de la foi et de la participation à la vie divine que l'homme atteint par les sacrements. Au fur et à mesure que le temps passe, dans les nouveaux catéchismes, la morale est présentée après la foi et avant le sacrement, réduite à une sorte d'aide pour la pratique de la morale chrétienne. Quelles sont les raisons de cette prééminence? Chaque confession doit consolider son identité, entre guillemets. Les pratiques sont en même temps un facteur et une preuve de cette appartenance collective. Donc, une considération préliminaire, les identités chrétiennes à cette époque sont multiples, cela est l'évidence même, mais elles ne sont pas compactes et cohérentes, même à leur intérieur. Au cœur de l'univers protestant, les différences s'imposent concernant parfois la doctrine, plus souvent les normes et les pratiques. Je vais examiner le monde catholique qui, malgré tout, ne se présente pas à son tour d'une manière monolithique quant aux pratiques et quant aux normes. D'une doctrine apparemment unitaire découle non seulement des pratiques différentes, ce qui peut apparaître tout à fait manifeste, mais aussi des normes différentes. Parfois, l'identité l'emporte pour ainsi dire sur la vérité, entre guillemets, bien que la théologie soit toujours plus une profession et les théologiens soient devenus en quelque sorte des professionnels de la vérité. Quels que soient les débats sur le rôle de Rome quant à la possibilité de censure, de cela ressort en premier lieu, comme l'a souligné Neveu, que c'est justement le régime de pensée doctrinale qui fonde l'idée d'erreur et d'hérésie et ouvre la porte aux discussions. Deuxièmement, on peut aisément vérifier que la doctrine a des effets remarquables sur les normes et les pratiques. Les accusations réciproques d'hérésie étaient un fait quotidien chez les théologiens catholiques, encore au XVIIIe siècle, parfois encore plus au XVIIIe siècle. L'autorité romaine invite souvent au silence, étant donné qu'elle considère la définition de l'erreur comme étant de son exclusif ressort. On constate toutefois que la sauvegarde de la vérité ne comporte pas nécessairement la condamnation de l'erreur. Ce n'est le cas, par exemple, quant à Lodovico Antonio Muratori, cet érudit illustre, dont quelques ouvrages avaient été soumis au Saint-Office et à l'Index, sans être jamais condamnés, même si quelques-uns des consulteurs avaient signalé des propositions dignes de censure, même avec des notes assez fortes. Le pape Benoît XIV, demandant à l'Inquisition d'Espagne de retirer la censure contre les ouvrages du cardinal Enrico Noris, s'en était expliqué. Muratori était pour lui l'exemple le plus convaincant du fait que le Saint-Siège évitait de condamner des ouvrages ou des propositions censurables, même avec les notes les plus dures, si le contexte était positif et notamment si l'auteur démontrait sa fidélité à Rome. Ça n'était le cas pour Muratori. Donc le rapport entre proclamation de la vérité et application des normes sur la censure était caractérisé par une certaine souplesse. L'uniformité de la doctrine au sein de l'Église catholique en tout cas, ne doit pas être considéré comme un fait assuré. Examinons le cas du jansénisme. C'est très connu, mais on m'a dit que parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas des spécialistes en histoire moderne. Et une petite remarque, le mot jansénisme a été maintes fois utilisé comme une étiquette simpliste et réductrice, notamment dans le but de discréditer quelqu'un. Mais, à mon avis, le jansénisme, bien que parfois difficile à cerner, n'est pas un fantôme. Celle-ci est une affirmation qui remonte aux premiers jansénistes et que des historiens, ou pour mieux dire des historiennes, parce que c'est Mère, Cotteret, etc., ont repris de ces derniers temps. Un examen approfondi de la situation paraît au contraire montrer que le jansénisme a été l'œuvre des disciples de Jansénus qui lui ont donné naissance eux-mêmes. Innocent X, avec la bulle Cum Occasione 1653, avait condamné 5 propositions théologiques extraites de l'Augustinus de Jansénus. Les disciples de Jansénus refusaient cette condamnation, cela moyennant la distinction entre le droit et le fait. Rome aurait été dans son bon droit quant à condamner les doctrines en question, mais de facto n'aurait pas eu la possibilité de discerner si ces doctrines étaient présentes dans l'ouvrage de Jansénus. Celui-là étant mort sans avoir publié son ouvrage, le problème était réel. L'ouvrage avait paru en 1640, c'est-à-dire 2 années après la mort de Jansénus par les soins de ses disciples. Donc il n'était pas possible d'interroger l'auteur pour connaître sa pensée. Bossuet affirme dans une lettre qu'à son avis, les 5 propositions sont véritablement dans Jansénus et qu'elles sont l'âme même du livre. Tout ce que l'on dit au contraire lui paraît une pure chicane. En tout cas, pour ceux qui nous intéressent, le problème de la doctrine montre ici tout son poids et son influence sur les normes et les pratiques, et même le lien entre doctrine et fait, la question des faits dogmatiques. Pour le rapport entre normes et pratiques, il suffit de penser aux problématiques relatives à la confession. L'anthropologie théologique des jansénistes conduit, comme on le sait, à une pratique très rigoriste de la part des confesseurs qui exige une contrition parfaite et n'accepte pas la simple attrition comme échelon d'un parcours psychologique et religieux. Les pratiques des confesseurs qui nient l'absolution exerce une influence remarquable sur les pratiques des pénitents. Les impératifs exigeants des confesseurs mènent souvent les fidèles non pas à une observance plus stricte, mais au contraire créent une certaine désaffection par rapport au sacrement de la confession. Cela entraîne avec soi une désaffection ultérieure. Qui n'a pas reçu l'absolution ne peut pas s'approcher du sacrement de l'Eucharistie. Voilà donc s'ébaucher dès le début une politique sacramentelle qui décourage les fidèles. Il y a qui a essayé de superposer la carte de la déchristianisation révolutionnaire à celle qui révèle une présence remarquable de curés jansénistes. En effet, il y a presque une coïncidence. Le discours est bien plus compliqué, mais il y a là, sans aucun doute, un élément de réflexion. Aux années 40 du XVIIe siècle, Vincent de Paul avait signalé ce problème. Dans son épistolaire, notamment dans les lettres avec Jean de Renier, qui inclinait au rigorisme janséniste dans la pastorale, surtout dans ses lettres, il manifeste nettement sa pensée. Ils sont pressés de prémunir contre la diffusion de l'erreur. Il ne s'agissait pas seulement de la doctrine que le pape avait condamnée. Il se préoccupait notamment des effets de cette doctrine, qu'il envisageait comme probable, et qui, à son avis, aurait détruit le bâtiment de l'Église moderne, son âme même. On connaît l'importance qu'il attribuait à la confession et à la communion, ce qui est bien attesté par son action missionnaire. Les récits de mission présentent souvent de milliers de confessions. Pas possible, évidemment, de faire confiance aux données quantitatives, mais les opinions de Vincent de Paul sur ce sacrement, celui de la confession, sur l'Eucharistie qui était administrée de suite, en ressortent très nettement. Le refus ou délai d'absolution aurait eu comme conséquence une baisse de la pratique. On aurait éloigné Dieu sous l'apparence d'un plus grand respect. Quelques années après, en 1755, la comtesse de Choisy, dans une lettre à un ami, montrait que les gens de la cour, les gens du monde, ne s'empressaient plus de recevoir la communion au temps pascal, ni même avaient des scrupules s'ils ne le faisaient pas, ceux qui arrivaient avant. Elle relate de cette manière le propos « Et qu'importe-t-il comme l'on fait, puisque si nous avons la grâce, nous serons sauvés ?» Et si nous ne l'avons pas, nous serons perdus. Vincent de Paul considère le délai d'absolution comme une pratique très dangereuse, mais aussi comme une hérésie. Pourquoi une hérésie? Donc, de la doctrine à la pratique, de la pratique encore à la doctrine. Du fait que remettre l'absolution jusqu'au moment où le pécheur aurait accompli ses pénitences, parfois 3 ou 4 mois, équivaut à affirmer que l'expiation des péchés a lieu non par l'absolution, mais par la satisfaction, c'est-à-dire les actions de pénitence successives. Sur les normes, les confesseurs exigeaient la pénitence de tout fidèle, mais après l'absolution, pas avant. Autre élément qui pourrait être considéré hérétique selon Vincent de Paul consiste en cela. On conteste la possibilité que l'Église apporte des changements à la discipline telle qu'elle était pratiquée ou était censée être pratiquée dans l'Antiquité chrétienne. S'ouvre là un discours majeur, c'est pas possible de s'y arrêter, mais tout cela donne lieu à des débats théoriques très importants, notamment au XVIIIe siècle, sur le rapport entre dogme et discipline. Les exemples apportés jusqu'ici montrent que doctrine, normes, pratiques ne sont pas disjointes, mais au contraire, elles s'enchevêtrent d'une manière importante. La question est assez compliquée. Par exemple, il y a un rigorisme janséniste, mais il y a aussi un rigorisme qui n'est pas du tout janséniste, tout en présentant des traits communs avec la morale janséniste. Malgré les différences sur le plan de la doctrine de la grâce, ou des idées autour du pouvoir du pape, que ces rigoristes réclament à raison, en fait, les comportements qu'ils demandent aux fidèles ne sont pas différents. Cela compte au sacrement de la confession et de l'Eucharistie, mais aussi pour ce qui concerne la vie conjugale, le jeûne, la condamnation du théâtre, etc., etc. J'aimerais souligner ce rapport dans un des lieux les plus importants, c'est-à-dire le catéchisme. Le Concile de Trente et tout le catholicisme moderne ne font que proclamer l'importance de joindre la pratique à la foi. Croire et pratiquer, c'est l'essentiel. Dans les manuels de catéchisme, la doctrine conforme et la doctrine connorme s'entrecroisent pour déboucher sur la pratique. La doctrine chrétienne ne peut pas être proposée en dehors des normes et des pratiques. L'Église moderne se servit de plusieurs instruments dans ce but. Le texte, qui portait en général le titre de doctrine chrétienne, un texte que l'on pouvait apprendre par cœur, et cela notamment si on était dans l'impossibilité de lire, ce qui était très commun. Le texte, son explication, donc la parole, mais aussi la représentation théâtrale, la musique, les images. Cela visait à mettre en jeu toutes les ressources de l'homme afin que la doctrine s'enracine et la pratique en découle. L'enchaînement entre doctrine, normes et pratiques était fondamental pour l'Église, mais de quelque manière, dans les sociétés d'Ancien Régime, concernait l'État aussi. Des cas se présentent où le prince réclame le droit d'imposer des catéchismes ou d'en défendre d'autres. Cela tient à que le prince, s'il n'est pas concerné par la doctrine, l'est au contraire par la norme et la pratique. Un exemple, catéchisme du cardinal Bellarmine, composé à la fin du XVIe siècle, pour son efficacité et pour la renommée de son auteur, était très répandu. Il était le plus répandu encore au XVIIIe siècle, surtout dans sa version brève. Dans ce que les historiens ont appelé la bataille des catéchismes, l'une des cibles est exactement cette doctrine chrétienne, entre guillemets, c'est le titre. L'Église de Rome conduisait sa bataille contre les textes de doctrine chrétienne qui venaient d'au-delà des Alpes, dont les auteurs étaient par exemple Puget, Montazet, Gourlin, Mézenguy. Les souverains, au contraire, s'acharnaient notamment contre Bellarmine. L'un des points les plus délicats était considérer l'explication du quatrième commandement « Honore ton père et ta mère ». Alors, comme aujourd'hui, l'explication du précepte ne se bornait pas à esquisser les traits de l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents, mais aussi de l'obéissance envers les supérieurs, y compris les autorités civiles. L'obéissance, bien qu'un devoir, était montrée comme ayant des limites. Si les parents ou les supérieurs ou les autorités civiles intiment quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, c'est cette loi qui a le dessus et qui doit triompher à tout prix. L'application du précepte risquait donc de porter atteinte au respect de la loi civile. L'Église, de par l'enseignement du catéchisme, était considérée en même temps un soutien pour le souverain et une concurrente dangereuse. La doctrine pouvait à l'occasion poser des problèmes, mais le danger résidait essentiellement en certaines normes et dans les pratiques qui en résultaient. La religion, selon le souverain, avait le devoir de former le bon citoyen. Il était donc indispensable d'éliminer tous ceux qui auraient pu s'opposer à cette démarche. Je voudrais maintenant m'arrêter sur un domaine intéressant que j'ai étudié, celui de l'usage de l'argent. J'ai étudié notamment par le biais du prêt à intérêt et de l'usure, ce qui était à l'époque d'une parfaite coïncidence. C'est un thème qui rentre dans cette catégorie de doctrine opérationnelle prise en compte au colloque de l'École française de Rome, dont les actes ont été publiés l'année 2000, sur orthodoxie, christianisme, histoire. Doctrine opérationnelle, c'est-à-dire des doctrines qui opèrent dans la vie et dans la culture religieuse. La défense de l'usure, donc la défense du prêt intérêt, s'est fondée sur la loi naturelle, sur les normes de la loi ecclésiastique, sur la loi de Dieu. Donc, sur des normes intimement liées à la vérité révélée à l'homme dans les livres saints. La loi ecclésiastique avait le but de codifier des normes pour orienter la pratique selon l'observance de la vérité et le respect de la loi divine. Apparemment, les choses peuvent se présenter comme assez claires et définies, mais l'analyse de la réalité historique montre exactement le contraire. Les discussions concernent l'application des normes, les normes en soi, les principes mêmes que la Bible propose comme parole de Dieu qu'il faut expliquer. L'interprétation des principes n'est pas univoque, comme le montre l'exégèse des passages de l'Ancien Testament concernant l'usure et dans le Nouveau Testament de Luc 6, 35, « Mutum date nilin desperantes » et de la parabole des talents. Si l'on descend aux normes, les choses se font encore plus compliquées. Et encore plus quant aux pratiques, en présence d'une réalité économique où les contrats économiques et financiers étaient toujours plus nombreux et plus difficiles à cerner. Faut-il prendre en compte cette réalité économique et sociale, ou au contraire, il faut appliquer les principes d'une manière raide? J'essaierai de montrer les parcours, moyennant un examen, bien que très sommaire, des prises de position du Saint-Office et des pontifes entre XVIIe et XVIIIe siècle. On constate qu'il n'y a pas de constance ou de linéarité dans ce processus, au contraire. Cela s'explique aisément si l'on considère les parcours de la théologie à cette époque, l'opposition entre probabilistes et probabilioristes, entre jésuites et anti-jésuites, entre rigoristes et laxistes. Dans l'Encyclopédie théologique de Migne, dans le Dictionnaire de théologie morale, article usure, on est au début du 19e siècle, il n'est point de question plus importante que celle que nous entreprenons d'exposer. Il n'est pas un théologien qui, en l'abordant, n'éprouve un sentiment d'inquiétude. Celui qui étudie la pratique de l'usure chez tous les peuples, qui recherche les maximes des jurisconsultes et des théologiens, trouve une telle diversité d'opinions qu'il lui est impossible de ne pas reconnaître une de ces questions où le vrai se mêle avec le faux, et où, faute d'avoir distingué ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux, les uns ont absous toute espèce d'usure, les autres les ont toutes condamnées sans aucune espèce de distinction. On y parle du sujet comme matière obscure. Il y a, définition générale à part, une grande diversité d'opinions et il a fallu le temps pour dégager le vrai du faux. Ce relief est déterminé par la portée pratique de la théorie doctrinale et des règles du droit canon dans un domaine très sensible et très quotidien. Les marchands, souvent, ne savaient à quoi s'en tenir. Ils compliquaient peut-être les choses pour garantir la légitimité de leurs opérations. Parfois, ils cherchaient sincèrement une compatibilité entre leurs négoces et leur foi chrétienne. La volonté, pour une raison ou pour une autre, de trouver une adéquation entre la norme et la pratique, les poussait à demander l'avis des moralistes pour rassurer leur conscience. Mandic, qui a étudié l'échange dans l'Italie moderne, écrit « Il nous semble que les marchands italiens des 16e et 17e siècles jugent encore de sa propre conduite d'après les normes de l'Église et qu'il se préoccupe toujours de la condamnation des préonéreux. Certes, il ne manque pas de subir, comme tout le monde, l'influence de la révolution universelle qui se produit dans la conception de la vie. Mais pourtant, il ne se défend pas de tout scrupule religieux et il ne reste pas indifférent vis-à-vis des sanctions spirituelles. Donc, il acquiert peut-être la conviction qu'il peut y avoir quelques moyens capables de les justifier. Le marchand connaît son péché, il en éprouve des remords, et cependant, il ne se borne pas à en solliciter le pardon. Il invoque des avis et des jugements sur les expédients qu'il ne cesse d'imaginer pour le salut de son âme. Donc cela pouvait aussi se présenter comme une tentative de pallier l'usure. Francisco de Vitoria, consulté par des marchands d'Anvers, n'avait pas tellement envie de leur répondre. Il se trouvait en difficulté. Il écrivait « Je réponds à contre-cœur à ces questions de changeurs sans savoir qui les pose et à quelle fin. » Parce que beaucoup le posent pour en profiter si on leur donne quelques licences. Quand les réponses sont contraires à leurs intérêts, ils en tiennent peu de compte et se moquent de la doctrine et de son auteur. Ce n'est pas servir Dieu que de répondre à ces cas, sinon à ceux qui les posent pour tranquilliser leur conscience et faire ce qu'on leur dit. Faire dire. Donc, des problèmes de conscience très sérieux se posaient, dont quelques-uns profitaient, à cause de cet enchevêtrement difficile. Dans la première moitié du XVIIe siècle, nombreux théologiens, à la suite de leurs collègues du XVIe, font preuve de la volonté de concilier les exigences de la vérité avec la réalité concrète et les problématiques financières de l'époque. C'est le cas, pour exemple, de Léonard Lessus, un théologien jésuite d'Anvers. Il n'écrit pas un ouvrage spécifique sur le sujet. Comme d'habitude à cette époque, il en parle dans un traité de Justitia et Iure, qui fut publié pour la première fois en 1605, et qui eut une remarquable diffusion. Ce jésuite vivait dans un milieu très dynamique, donc les pénitents lui posaient souvent des questions autour de ce problème. Il était donc très bien renseigné quant aux différents contrats qui étaient en usage, à un tel point que son livre de théologie peut être utilisé aussi comme source pour connaître les pratiques économiques et financières de l'époque. Sa sensibilité aussi est remarquable. Les dynamiques psychologiques de ses pénitents lui intéressent. Il cherche d'élaborer une interprétation qui puisse permettre un bon usage de l'argent en conformité à la foi chrétienne, aux normes et sans détriment pour ceux qui font du commerce et de la finance. On pourrait dresser, bien que forcément incomplète, une liste des théologiens qui s'occupent de ces sujets, une sorte de catalogue de leurs opinions. Mais le temps à disposition ne le permet pas. Ce qui est le plus intéressant toutefois est de connaître les démarches de Rome, pape Saint-Office. Malgré tout, cela faisait autorité. Le constat est le suivant. Les actes pontificaux sur le sujet sont très très rares. Ils n'abordent presque jamais les cas en l'espèce. On peut apporter comme exemple celui des titres extrinsèques d'intérêt, qui était une sorte d'exception à la règle, très discutée par les théologiens et fréquemment appliquée dans la pratique. On trouve déjà en Thomas d'Aquin. Il y avait qui considérait ces exceptions comme dangereuses. On les jugeait des expédients subtils. Ce qui est défendu par Dieu est défendu, l'on dit, non pas en raison de son nom, il reste donc défendu même si on le cache sous d'autres apparences. Voilà par exemple ce que dit Bossuet, « Il faut avant toute chose bien entendre ce que Dieu défend et comme sa sainte loi a été entendue par les saints-pères, car c'est la règle de foi. Cela étant bien entendu, il faut dire que tout ce qui, dans le fond, fera tout l'effet de la chose que Dieu défend, sera également défendu, de quelque nom qu'on le nomme, parce que le dessein de Dieu n'est pas de défendre des mots de taux d'esprit et des vaines subtilités, mais le fond des choses. La loi de Dieu, expliquée par la tradition, n'a pas voulu défendre une chimère, un cas en l'air. Il faut donc fixer ce cas et voir quelle notion elle a donné de l'usure, et toutes les fois que nous trouverons qu'en permettant un certain profit de l'argent, la loi de Dieu sera éludée et ne subsistera plus qu'en parole, nous devons tenir ce profit comme enfermé dans la défense divine. Le seul titre extrinsèque au sujet duquel le Saint-Siège prend position est le periculum sortis, c'est-à-dire le risque de perdre son capital. Des missionnaires qui opéraient en Chine, hein, Cochinchine, au Tonkin, avaient écrit à Propaganda Fide pour demander un avis sur le sujet. Le problème fut considéré doctrinal, l'administration des sacrements y étant concernée, donc ce fut le Saint-Office à s'en occuper. Les actes du Saint-Office n'étaient pas toujours connus. En général, ils attestent des diversités d'opinions, même très remarquables, entre les différents consulteurs, même dans une même époque. Les cas examinés se présentent souvent comme des espèces difficiles à résoudre, qui prêtent à des solutions diverses, voire contradictoires. Le cas en question est remarquable. Le résultat en est un acte émanant non seulement d'une congrégation romaine, mais du Saint-Office qui était la suprême des congrégations romaines, qui a de surcroît le suffrage du pape, à ce moment c'était Innocent X, qui le ratifie. C'est donc l'un des rares actes de Rome sur ces sujets et c'est un acte très officiel. Les questions auxquelles il fallait répondre étaient les suivantes, les questions posées par les missionnaires. Est-ce qu'on peut baptiser ces Chinois qui pratiquent le prêt à taux élevé à cause du risque quant au capital? Est-ce qu'on peut donner l'absolution aux chrétiens qui font la même chose? Est-il possible de demander des taux si élevés? Les chrétiens prêtaient leur argent à un taux d'intérêt qui arrivait jusqu'à 30% parce que le danger de perdre le capital était assez fréquent. La réponse, bien qu'avec quelques nuances, il s'agit d'une orientation large. La réponse est en substance une concession, non sunt inquietandi, pas comme il faut pas les inquiéter. Un étudiant aux examens m'a dit « non sunt inquieti », non sunt inquietandi. Les confesseurs étaient donc invités à ne pas troubler les consciences de leurs fidèles. Cela à des conditions, aux conditions suivantes, que les risques soient réels et non fictifs, que l'intérêt soit proportionné au risque, que les fidèles se déclarent disposés à accepter ensuite des dispositions différentes de la part de Rome. Il s'agit exactement des mêmes mots que le Saint-Office et la pénitentiaire vont utiliser aux années 20-30 du 19e siècle. Il y a un fil rouge qui les relie. On n'y définit pas une norme et on dit pourrait y avoir des dispositions différentes. Donc, ce n'est pas exactement une norme. Ce sont les pratiques qui sont considérées acceptables à certaines conditions. Malgré son importance, l'acte ne fut pas accepté par tous les théologiens, même encore au XVIIIe siècle. Les théologiens plus larges s'y appelaient pour démontrer le bien fondé de leur thèse. Alphonse de Liguori remarque que le document n'est pas un acte de tolérance, mais qu'il donne une permission positive. Les rigoristes, au contraire, arrivaient à nier la légitimité du periculum sortis. Comment affirmer que ces titres soient toujours illicites face à un acte de cette portée? Il y avait qui disaient que ce texte aurait été valable seulement pour certaines régions de l'Extrême-Orient. On attribuait aux déclarations romaines des affirmations qui n'y étaient pas comprises. Parfois, on contestait l'existence même de l'acte, pourtant publié, par exemple, publié dans la Pronta Biblioteca de Lucio Ferraris. Entre la moitié du XVIIe et la moitié du XVIIIe siècle, le rigorisme montant porte à un raidissement qui affecte la doctrine et les pratiques. Selon plusieurs auteurs, l'usure était une question dogmatique. Une remarque. En passant, jamais Rome ne reconnaît cela. En fait, ne pas laisser prendre la doctrine pour le dogme demeure pour Rome l'une des tâches de l'orthodoxie magistérielle. Les problèmes posés par l'usage de l'argent ne pouvaient donc avoir d'autre solution, selon les personnages les plus outranciers, que la renonce au commerce et à la finance. Point de vue des individus, des communautés, de la société, ce n'était pas un problème mineur. La politique de Rome, au contraire de ses attitudes rigoristes, est beaucoup plus souple. Entre la moitié du XVIIe et la moitié du XVIIIe siècle, l'historien relève un peu plus de raideur dans les papiers des qualificateurs des consulteurs du Saint-Office. Quelques livres sur le sujet sont mis à l'index, par exemple de l'usage licite de l'argent, de usulicito pecunie, il y avait le texte en français et en latin d'Emmanuel Maignan. Mais les actes du Saint-Office, exception faite pour celui de 1645 ou des condamnations à l'index parfois sur... après l'examen par le Saint-Office, était connu. Mais en général, les actes du Saint-Office n'étaient pas connus. Cela restait à l'intérieur. Alors, acte des pontifes sur ces sujets continue à être très rare. Il faut arriver à 1745 pour en repérer un autre, c'est-à-dire l'encyclique Vix per Veneto de Benoît XIV, encore une fois très souple, souple à un tel point que les réactions indignées ne manquèrent pas. Une remarque au sein de la commission préparatoire, dont les membres étaient très divisés, il y eut un parfait accord sur la définition de l'usure, donc au niveau doctrinal. Les oppositions, même les plus virulentes entre les membres de la commission, se déclenchèrent sur l'analyse des cas. Une même doctrine, on faisait découler donc des pratiques très très différentes, dont quelques-unes très larges et d'autres très raides. Benoît XIV choisit la médiation. Il admet dans son encyclique, qui est adressée aux évêques d'Italie, la possibilité d'intérêt sur le prêt en présence de titres extrinsèques et affirme la légitimité d'autres contrats par lesquels on peut obtenir honnête lucre. Il n'entre pas dans les détails, mais il donne des principes qui, d'un côté, sont fermes, l'usure est toujours défendue, et d'autre côté, sont souples. Il y a des contrats, il y a des titres extrinsèques, donc on peut faire fructifier son argent. C'est le même manque de raideur que balise tout le parcours de l'Église de Rome, par exemple, quant aux formes de la religion vécue. Comme l'a remarqué Bruno Neveu, de l'Auctor Infide à la Pascendi, le magistère suprême a préféré prendre parti contre les aspirations d'un Pusillus Grex en faveur de sa propre dynamique et par-delà au profit d'un christianisme et d'une religiosité populaire. Là, j'avais écrit à peu près 2 pages sur le problème de la pietas, une pietas intrinseca, une pietas extrinseca, le prédicat de la pietas n'est pas la même chose que celui de la veritas, etc. Mais je vous en fais grâce parce que je remarque que le temps est terminé. On pourrait, le temps est terminé, pas les questions historiques, on pourrait continuer presque à l'infini, je dirais, parce que les sujets sont très, très nombreux. Mais j'espère que ce petit panorama puisse avoir donné au moins une idée de celle qui est l'ampleur des problèmes, la complexité des questions du point de vue historique, et notamment pu donner l'impression de leur importance sur tout plan et dans tous les domaines du monde catholique. Merci.